Lettre 25e, Calpurnie à Agathoclès, Rome, septembre 301. Il y a bien longtemps, mon aimable ami, que nous n'avons reçu réciproquement de nos nouvelles. Je suppose que tu me crois dans l'Élysée ou dans le Tartare. C'est Dieu à décider lequel des deux je mérite. J'aurais eu les mêmes doutes à ton égard si les bruits publics n'avaient remplacé l'activité de correspondance qui manque à notre fragile amitié. Il m'assure que tu es encore au nombre des vivants et comblé de gloire. La renommée parle de toi comme d'un héros, et je t'avoue que je prête une oreille attentive lorsqu'elle m'apprend les faits mémorables de l'ami de notre maison. Cependant, je me suis rendu justice. J'ai senti qu'une lettre de femme ne devait pas risquer d'arriver sur le champ de bataille et de sauver peut-être la vie à quelque ennemi. Tu n'attribueras qu'à ce scrupule patriotique le défaut de réponse à ta dernière lettre, datée de Nicomédie, d'où tu me mandais ton départ pour l'armée. Nous savons à Rome tout aussi bien que toi ce qui s'est passé. J'aurais donc gardé encore le silence avec courage, mais un devoir impérieux, celui de l'amitié pour une femme malheureuse, m'engage à mettre de côté toute autre considération, pour réclamer de ta générosité des secours, ou tout au moins des conseils en faveur de mon ami. Il m'est infiniment pénible d'accuser un homme que tu regardes comme ton ami, et peut-être estimable à tout autre égard. Combien d'hommes pleins d'honneur et de droiture avec les autres hommes se permettent d'en manquer avec les femmes? C'est de ton ami, c'est d'un être de ton sexe que je viens me plaindre à toi. Juge par là de la confiance en borne que j'ai dans la justice et dans ton impartialité. Tu connais les rapports jadis existants entre Sulpicie et Tiridate. Lorsque celui-ci quitta Rome en printemps, les droits de Sulpicie à sa fidélité étaient incontestables. Elle la méritait par un amour sans exemple, par des sacrifices sans nombre, enfin par l'espérance fondée sur les serments les plus sacrés et les plus solennels d'être un jour unie à lui par un nœud légitime. Il partit et laissa Sulpicie en butte aux reproches et aux mauvais traitements de ceux qui avaient des droits sur elle, et qui se croyaient permis d'employer tous les moyens pour empêcher cette union. Ils ne pouvaient s'abuser sur les malheurs de toute espèce dont elle serait la victime pendant leur séparation. Un mari d'un esprit commun et rétréci l'environne d'un avilissant espionnage, et ne lui laisse de libre que la pensée. Un père dur, barbare, l'accable des reproches les plus cruels et les moins mérités. Sulpicie est la plus vertueuse des femmes, car il y a bien plus de mérite à résister à une passion telle que celle qu'elle ressent et qu'elle inspire, qu'à suivre froidement la ligne du devoir sans avoir à combattre. Elle aime éperdument pour son malheur, mais le cœur seul. À quoi bon te dire ce que tu sais aussi bien que moi? Tiridate n'a sans doute rien eu de caché pour toi, et tu connais la nature d'une relation que tu jugeais avec trop de sévérité. Peut-être que tu penses à présent différemment, et qu'une expérience tardive t'a rendu plus indulgent pour les faiblesses du cœur. Quoi qu'il en soit, j'espère au moins que tu seras entièrement de mon avis. La persévérance, la constance dans son amour et dans ses projets pouvaient les justifier à tous les yeux, et dédommager un jour la pauvre Sulpicie de ce qu'elle souffre. Que doit-elle éprouver cette femme infortunée lorsque, de tous côtés, elle entendit et confirmait que le léger Tiridate, enfoncé dans la volupté asiatique, entouré de femmes séduisantes et faciles, va sans réflexion de l'une à l'autre, s'enivre de plaisir dans une cour dépravée, et ne peut plus disposer d'un seul moment pour s'occuper des affaires les plus importantes du trône de ses pères et du bonheur de celle qui, après s'être sacrifiée pour lui, ne vit plus que de larmes. Tu verras par une lettre que je t'envoie que ma pauvre Sulpicie est captive à Abbey. Ses persécuteurs l'y retiennent pour la priver des consolations que mon amitié lui offrirait. Tu pourras juger de ce qu'elle souffre. L'esprit rétréci de Serranus redoute mon influence, et Sulpicius ne voit en moi qu'une rusée médiatrice. Mais aussi comment serait-il possible que l'âme grossière de ces deux hommes qui n'éprouvent et ne croient à aucun sentiment vertueux puisse s'élever à la belle idée que l'on peut s'aimer véritablement avec une parfaite pureté? Cela seul doit plaider en faveur de Sulpicie, Aussi la plaint-on généralement plus qu'on ne la blâme. Tandis que l'homme pour lequel elle souffre toutes ces persécutions l'oublie dans les bras des courtisanes de l'Asie, tandis que l'idée de son infidélité lui fait souffrir des tourments mille fois plus cruels que ceux auxquels l'ont condamné son indigné époux et ses barbares parents. Je veux bien croire que la renommée a beaucoup exagéré les torts de Tiridate, qu'on lui en a même supposé qu'il n'existe pas. Mais dût-on à rabattre la moitié, n'en resterait-il pas assez encore pour rendre Tiridate bien coupable? Il l'est d'autant plus à mes yeux qu'il joint la fausseté à la perfidie, car il écrit encore souvent à Sulpice des lettres très passionnées, mais qui ne la rassurent pas. Elle les lit à présent avec une disposition, un doute, qui empoisonne chaque phrase, et chaque réflexion est un coup de poignard pour ce cœur blessé et sensible, qui n'avait d'autre consolation que son entière confiance dans celui à qui il s'est donné. Dans un tel état des choses, dans l'incertitude où nous sommes sur les vrais sentiments de Tiridate, je m'adresse à toi, et j'espère tout de la noblesse de tes sentiments, de ton amitié pour moi, pour l'infortuné Sulpice, de tes relations intimes avec le prince d'Arménie. Avant tout, procure-toi, je te prie, des renseignements exacts sur la vie qu'il mène et sur ce qu'il pense. Je remets aussi à ton jugement, à ta sensibilité, le soin de faire les démarches convenables. Sans exposer ni compromettre mon ami, conduis cette affaire comme tu le voudras. Je te confie avec assurance le sort de ma Sulpice, et j'attends de toi, sinon des secours, du moins du soulagement et des consolations. Mon père et mes frères se portent à merveille. Ils me chargent de 1000 amitiés pour toi. Si tu trouves nécessaire de me répondre, n'oublie pas de me demander où tu séjourneras. Nous ne savons pas toujours à Rome où nos armées se trouvent, et un légat n'aura peut-être pas toujours le bonheur de vivre dans la maison de son général, de partager ses plaisirs et ses peines, et de pouvoir dévouer sa vie à tout ce qui le touche. Salut à celui qui m'entend. Je n'en suis pas moins ton ami, à la vie, à la mort.